be back. De silence et de hasard où je traîne. Oh. Je me sens si léger, prêt à me libérer, tout s'enchaîne. Oh. Demain suffira quand même je rêve quand même demain suffira demain suffira mes rêves. Demain.